Ceci est un audio généré issu de l'article Ursti, Alderman, Dave Harris, les hackers éthiques qui ont montré comment des machines à voter peuvent être manipulées, disponible sur le site conspiracte.com. Les sources utilisées sont disponibles sur le site. Bonne écoute à vous. Derrière les débats sans fin sur les machines à voter aux États-Unis, quelques noms reviennent toujours. On les présente parfois comme des experts gênants, parfois comme des militants obsessionnels, parfois comme des personnages presque mythiques. Pourtant, leur point commun reste très simple, ils ont arrêté de spéculer, et ils ont testé les machines eux-mêmes. Harry Ursti, J. Alex Alderman et Dave Harris n'ont pas seulement dit qu'un système pouvait être vulnérable. Ils l'ont montré, documenté, expliqué, puis porté dans l'espace public. Leur importance ne vient pas d'un storytelling bien construit. Elle vient de démonstrations, de rapports, d'auditions et d'archives. Leur travail a fini dans des commissions officielles, dans des livres, dans des documentaires et dans des débats qui ont poussé plusieurs États américains à revoir leurs systèmes électoraux. Autrement dit, on ne parle pas ici de rumeurs de réseaux sociaux. On parle de gens qui ont touché les machines, compris leur logique, puis exposé leurs faiblesses. Harry Ursti est souvent le premier nom cité. Chercheur en sécurité d'origine finlandaise, il devient célèbre avec ce qu'on appelle le Ursti Hack. L'épisode se déroule en Floride, dans le comté de Léon, au milieu des années 2000. Ursti obtient l'autorisation de tester une machine Diebold. Plutôt que de chercher une attaque compliquée, il s'intéresse à un élément banal, la carte mémoire utilisée par la machine. Et là, le choc arrive. Il montre qu'en modifiant cette carte, on peut changer les résultats de l'élection sans laisser de traces évidentes pour un observateur ordinaire. Cette démonstration marque un tournant. Jusqu'à ce moment, beaucoup de responsables politiques parlent des machines à voter comme de simples outils modernes, presque neutres par nature. Ursti casse cette illusion. Il montre qu'une machine électorale reste un ordinateur, avec des erreurs de concession, des angles morts, et une surface d'attaque parfois plus large qu'on ne l'imagine. Le documentaire Hacking Democracy va rendre cette démonstration célèbre bien au-delà des cercles techniques. Tout à coup, le public voit qu'une petite carte mémoire peut suffire à bouleverser l'image d'un système présenté comme fiable. Mais l'histoire ne s'arrête à là. Au fil du temps, Ursti participe aussi à la DEFCON Voting Village, un espace où des hackers et des chercheurs testent des machines à voter américaines dans un cadre public. Le but n'est pas de semer la panique. Il consiste à prouver, machine en main, qu'aucun système n'est intouchable. Cette approche change profondément le débat. On ne parle plus d'hypothèses vagues. On parle de machines ouvertes, démontées, attaquées, observées. Le deuxième grand nom, c'est J. Alex Alderman. Professeur de sécurité informatique à l'Université du Michigan, il s'est imposé comme l'un des chercheurs les plus sérieux sur le sujet. Là où Ursti a frappé fort avec une démonstration emblématique, Alderman a construit un travail de longue haleine. Il analyse des systèmes électoraux, publie des recherches, teste des machines en laboratoire, étudie les protocoles et explique les risques avec une précision redoutable. Son nom devient particulièrement visible lorsqu'il témoigne devant le Sénat américain. Dans cette audition, il explique que les machines à voter informatisées peuvent être manipulées plus facilement qu'on ne le croit. Il précise qu'avec son équipe, il a réussi à reprogrammer certaines machines pour que n'importe quel candidat gagne. Le plus marquant dans son approche, c'est le ton. Il ne cherche pas à faire peur pour faire peur. Il décrit les vulnérabilités, puis propose des solutions concrètes, traces tapis pour chaque vote, audit rigoureux, meilleures pratiques de cybersécurité, limitation de certaines architectures trop fragiles. Plus récemment, Alderman a beaucoup travaillé sur les machines Dominion utilisées en Géorgie. Il a étudié leur fonctionnement, notamment le système image CastX. Ses analyses montrent que certaines vulnérabilités sérieuses existent, en particulier autour de mécanismes que l'électeur ne peut pas vérifier lui-même, comme certains codes-barres. Là encore, sa démarche ne consiste pas à dire que toutes les élections sont volées. Elle consiste à dire que si un système présente un risque documenté, alors il faut le reconnaître, le corriger et surtout le vérifier après usage. Le troisième visage important dans cette histoire s'appelle Dave Harris. Son profil diffère un peu des deux autres. Elle n'est pas d'abord connue comme chercheuse universitaire ou comme hacker. Elle devient une figure centrale grâce à son travail d'enquête citoyenne, à travers le projet Black Box Voting. Son angle est simple, mais puissant. Comment faire confiance à des machines qui comptent les voix si personne ne peut vraiment voir ce qu'elles font? Au début des années 2000, Dave Harris découvre des éléments très sensibles liés au système Diebold, notamment du code source retrouvé en ligne. À partir de là, Elle creuse, elle recoupe, elle rassemble des documents, des appels d'offres, des contrats, des éléments techniques. Elle contribue à faire comprendre que le problème ne se limite pas à une faille informatique précise. Le vrai problème touche aussi à la culture du secret, à l'opacité commerciale et à la dépendance de l'infrastructure électorale envers des entreprises privées peu transparentes. Avec Black Box Voting, elle pousse l'idée qu'une démocratie ne devrait jamais demander une confiance aveugle dans une boîte noire. Son travail nourrit le débat public, complète celui des chercheurs et donne une épaisseur politique à la question. La Hursti montre qu'une carte mémoire peut modifier un résultat et Walderman explique comment sécuriser le système. Harris rappelle une chose plus large, le citoyen ne devrait pas être obligé de croire sur parole une machine qu'il ne peut pas contrôler. Ce qui rend ces trois figures si importantes, c'est qu'elles ont réellement changé le système. Leurs alertes ont poussé plusieurs États américains à abandonner des machines purement électroniques. Elles ont encouragé l'adoption de bulletins papier, de recomptages, d'audits post-électoraux. Elles ont aussi contraint des institutions à reconnaître publiquement que la sécurité du vote électronique ne relevait pas d'une confiance abstraite, mais d'une discipline concrète, avec des tests, des procédures et des preuves. Bien sûr, il faut ajouter une nuance essentielle. Leurs travaux montrent des vulnérabilités réelles. Ils ne prouvent pas automatiquement que chaque élection a été truquée. C'est là que beaucoup de récits dérapent. Certains récupèrent leur nom pour affirmer que toutes les élections américaines sont manipulées de bout en bout. Mais ni Hursti, ni Alderman, ni même Bev Harris n'ont formulé les choses de cette manière. Ils montrent ce qu'ils peuvent prouver. Ils décrivent des possibilités, des faiblesses, des scénarios crédibles. Ils n'effacent pas la différence entre soupçons, failles techniques et fraudes démontrées. Et c'est justement ce qui les rend précieux. Leurs paroles restent fortes parce qu'elles reposent sur du concret. Une machine ouverte. Un code analysé. Une audition publique. Un rapport de sécurité. Une procédure judiciaire. Ils ne demandent pas qu'on les croie par réflexe. Ils demandent qu'on regarde ce qu'ils ont trouvé. En suivant leur trajectoire, on comprend mieux pourquoi le débat sur les machines à voter ne peut pas se réduire à un duel entre complotistes et défenseurs du système. Il existe un espace beaucoup plus sérieux, beaucoup plus dérangeant aussi. Un espace où des experts identifiables montrent que certaines vulnérabilités existent vraiment. Et où cette simple réalité suffit déjà à poser une question lourde, que devient la confiance démocratique quand le comptage des voix repose sur des dispositifs que la majorité des citoyens ne peut ni ouvrir, ni vérifier, ni comprendre,